Ou c'est selfie qui fait me compte secret la vie. C'est un plaisir pour moi chéri, pour me garder au cap sourire. M'pas besoin aucun autre fille comme ami. Parce que moi peux souffrir et pas bébé. C'est destiné chéri parce que c'est où mari. Moi peux peut-être moi pas parti. Vine faire la vie fleurie. T'en prie fais-moi un paradis chéri. Ta couillon belle fleur a grandi. Pour la vie m'a continué. C'est où qu'elle décide. Il s'est monté le pape, j'en lagué.